Parfois, mes yeux deviennent humides lorsque je pense au moment passé. Mon regard vite se tourne vers des souvenirs qui ne pourront s'effacer. Dans ces instants de solitude, tous ces moments je me remémore. Notre quotidien fait d'habitude, sans t'y attendre un jour t'es mort. Mon cœur est empli d'une douleur inexprimable. On pleure, on rit, nos liens sont inattaquables. Tant que j'en rencontrais, mais combien je reverrai. Combien je pourrais serrer dans mes bras autour d'un verre de nos virées. On reparlera, je refuse de vivre en regardant dans le rétro. Les flashbacks fusent lorsque j'ouvre l'album photo. Des lieux, des regards, des gestes défilent dans mon esprit. Assis sur mon canapé, tout ce qui me reste, j'écris des pages entières comme seul confident. Des pensées amères comme celles qu'on fuit en. Ne pas confondre mort et regret, ne pas se morfondre sur son sort. Car malgré la profonde entaille que représente le passé, des moments forts resteront gravés à tout jamais. Il y a des instants où c'est le cœur qui parle, où l'inspiration ne s'arrête plus et perd les pédales. Ici les plus belles fleurs fanent et perdent leurs pétales. Rien de tel que ces quelques notes pour que la sincérité s'étale. Tant de numéros dans ce répertoire, chacun d'eux me fait plonger un peu plus dans le noir. La famille, les amis ne sont pas perpétuels. Un mot gentil ne coûte rien car quand tu les perds c'est cruel. Dorénavant, rien n'est plus aussi doré qu'avant. Se faire une raison, c'est navrant. Les années passent et on avance. Les souvenirs s'effacent au fil du temps. Vers l'avenir, on fait face en doutant. Dorénavant, rien n'est plus aussi doré qu'avant. Se faire une raison, c'est navrant. Les années passent et on avance. Les souvenirs s'effacent au fil du temps. Vers l'avenir, on fait face en doutant. C'est loin des tiens que tu te rends compte de leur importance. Et si t'attends trop, tu subis la sentence. Génération qui vit dans l'urgence, qui zappe les choses essentielles de l'existence. Ce rap me rapproche des miens malgré la distance. Y'a des gens que tu ne veux pas oublier, donc t'augmentes ta souffrance. Je parle en connaissance de cause, dans ce domaine je suis rodé. On est parfois sous hypnose, personne n'arrive à nous décoder. L'homme est fait de sentiments qui s'opposent. De la haine à l'amour, ça voyage si vite. Dans le sens inverse, c'est encore plus classique. Je donne pas de pardon à ceux qui m'ont menti, déçu ou trahi. Pas de compromis avec ceux qu'on mal agit. Tu le sais, les vrais potes se comptent sur les doigts d'une main. Même entouré de plein de gars, c'est pas forcément tes frangins. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas pardonner. C'est pas la peine d'attendre le pire pour après regretter. Faire appel à tes souvenirs pour après te rappeler les bons moments passés ensemble, les meilleurs pas les mauvais. Toi-même tu sais que l'amitié se perd. Et tout ça me rend amer de voir s'éloigner des gens qui à mes yeux étaient chers. Ceux sur qui je comptais, que je considérais comme des frères. Comme des frères. Dorénavant, rien n'est plus aussi doré qu'avant. Faut se faire une raison, c'est navrant. Les années passent et on avance. Les souvenirs s'effacent au fil du temps. Vers l'avenir, on fait face en doutant. Dorénavant, rien n'est plus aussi doré qu'avant. Faut se faire une raison, c'est navrant. Les années passent et on avance. Les souvenirs s'effacent au fil du temps. Vers l'avenir, on fait face en doutant. Mes proches avec qui j'ai fait du chemin, tous ceux avec qui j'ai écrit une partie du parchemin. On se rattache souvent aux souvenirs quand c'est tout ce qui nous reste. Narcos 2007.